Le camarade Kim Jong-un a reçu le 16 mai un message de félicitations du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, président du mouvement pour la résistance nationale de l'Ouganda. Le destinataire a adressé les salutations cordiales au camarade Kim Jong-un, au gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, au Parti du travail et au peuple coréen, au nom du président, du gouvernement ougandais, du mouvement pour la résistance nationale de l'Ouganda et du peuple ougandais, à l'occasion de la réussite du 7e congrès du Parti du Travail de Corée et de l'élection du camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée. Il a exprimé la satisfaction pour les excellents rapports de coopération marqués de bonne entente entre les deux pays et les deux partis à cette grande et heureuse occasion et manifesté de nouveau son intention de collaborer étroitement avec le camarade Kim Jong-un pour développer davantage les excellents rapports conformément aux intérêts communs. Il a souhaité santé au camarade Kim Jong-un et prospérité au peuple et au Parti du Travail de Corée et adressé une fois de plus au président du Parti du Travail de Corée les félicitations les plus chaleureuses et l'hommage sublime.